Trépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. C'est parti. Salut Alessandra. Salut Lynn. Alors, une bonne nouvelle pour commencer. Dis-moi. Le personnage de Wonder Woman a été licencié. Yahoo! Et qu'est-ce qu'elle a dit? Mais rien, ça tombe bien. Alors, pas qu'on se réjouisse du licenciement de qui que ce soit, mais quand même, vu le manque d'explications de l'ONU face à cette nouvelle décision, on peut quand même s'interroger sur leur capacité à entendre les contestations qui étaient fort nombreuses au sein même de l'ONU. Avant sa réaction. Quand ça s'est su, disons qu'il y a eu une grande mobilisation. Aussi, Donc voilà, elle n'aura pas fait ses 3 mois d'essai, ou alors ils ont été conclus par son incapacité à pouvoir drainer la cause des femmes et des filles dans le monde, qui sera choisie comme suivante, une affaire à suivre. We don't know. Dans ce 8e crépidule de l'année, et la dernière de l'année, on va parler du mot genre, ou gender, et on va parler aussi d'un film que toi t'as été voir. Mais ce sera en deuxième partie. Ce sera pour la fin. Un petit tour du côté de la fête des saucisses. Ok. Mais avant ça, on voulait juste revenir sur deux mots dont moi j'avais discuté dans le dernier podcast, donc dans le numéro 7, la semaine passée, à travers l'article de Tuija Pulkkinen, donc qui discutait de tensions entre féminisme militant et féminisme académique. Et j'avais dit que les études genre avaient ça de, entre guillemets, bien, ou avaient ce pouvoir de créer un nouveau langage et de nouveaux mots nécessaires, comme par exemple empowerment et queer. Et après, toi et moi, on en a discuté ensemble, donc hors pod. Et on s'est dit qu'en fait, c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça que ces mots sont vraiment apparus dans le milieu académique. En tout cas, pour ces deux exemples, empowerment, il était très présent dans les années 70 dans toutes sortes de contextes sociaux. Mais notamment, il y avait ce mouvement d'alphabétisation des adultes en Amérique latine dans lequel il était vraiment absolument utilisé et mis en place. Et en fait, il semble qu'il ait été récupéré dans les années 90, dans le contexte des rapports de pouvoir de genre. Mais donc là, on voit quelque chose qui était présent de manière plus large dans la société, qui a permis en fait un nouveau type de pensée et d'approche dans les études genre. Et si on continue un peu l'histoire de ce terme de manière actuelle, il est complètement fourvoyé dans le contexte de la coopération internationale, où tout et n'importe quoi est fait avec ce terme. Mm-hmm. Il suffit d'avoir le mot empowerment pour que, ah oui, super, c'est un projet qui vaut la peine d'être soutenu. Et quant au terme queer, là aussi, c'est assez chouette parce que quand on avait travaillé sur ce terme, il nous semblait plutôt, il était apparu dans les années 20. Il était déjà utilisé dans les milieux homosexuels new-yorkais. Donc après, il n'était plus tellement utilisé pendant des dizaines d'années. Plusieurs dizaines d'années, et on le retrouve dans les années 90, vraiment aussi dans le contexte de l'apparition de l'épidémie du sida, et, 80. Aussi avec les premiers Pride, ce qui s'est passé autour de ça, et c'est Teresa de Lauretis qui l'utilise, mais là par contre sous forme de théorie queer. En 91, je crois. Et ça, justement, ça peut aussi raconter quelque chose, le fait que ce terme existe et qu'il soit théorisé, conceptualisé, et peut-être dans certaines sphères publiques légitimées par la voie académique. Mais c'est ce terme d'invention qui est peut-être plus à nuancer. Ouais. Et d'ailleurs, on réfléchissait sur le succès du terme consentement actuel, la manière dont il aide aussi à penser des postures, à penser des réactions. Et ce serait intéressant de voir quelle est son origine, d'où il vient, comment ça se fait qu'aujourd'hui il soit tellement utilisé. Ouais. Est-ce que c'est parce que la question du harcèlement sexuel est très présente, qu'elle implique des réflexions sur les réactions, les stratégies pour la contourner? Ouais. Mais on n'a pas fait de recherche. On a discuté juste avant de faire ce podcast. Voilà, on a juste commencé, mais on a rien trouvé, mais ça pourrait être quelque chose à suivre. Dans cette importance de trouver des mots pour penser les problèmes et leur résolution. Ouais, hein, quand tu n'as pas les mots, tu n'arrives pas à en parler, quoi. Enfin, Et donc à transformer une situation. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Bah, d'ailleurs, si quelqu'un a des pistes, volontiers. Mm-hmm. Bon, on est parti sur... on passe. On passe, on passe. On passe à la prochaine définition. Genre. Yes. Mais pas tout seul, hein, le terme genre. Bah, de toute façon, si on veut faire l'histoire du terme genre et de son apparition, on va devoir parler sexe. Voilà, sexe et genre, parce que ça s'est construit ensemble ou en opposé. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Bon. En tout cas, ces deux mots ont une histoire commune. Donc par rapport à ces notions de sexe et genre, ding, ding, ding, ding, ding, il faut remonter le temps, en tout cas à partir du XVIIIe siècle, où là on assiste à l'essor des sciences médicales comme la biologie et la médecine en soi, qui amène à une sexualisation des différences hommes-femmes. Il y a tout d'un coup une... Enfin, il n'y a pas tout d'un coup, parce que c'est... Non, c'est une mauvaise expression, tout d'un coup. C'est des choses qui se mettent en place. Ouais, parce que justement, on peut dire qu'est-ce qui s'est passé aussi un peu au XVIIIe, c'est qu'on a eu les Lumières, mm-hmm. Une sorte de retour à la raison scientifique, entre guillemets. Ben, un affranchissement du spirituel religieux. Ouais. Et puis, qui a culminé quelque part avec la Révolution française, en tout cas dans nos... je sais pas si on va dire nos régions, mais... Avec effectivement cette période historique française qui a aussi marqué l'inscription dans la nouvelle constitution de la séparation entre les sphères privées et politiques, avec l'assignation des femmes à la sphère privée, mmh. et domestique et émotionnelle. Mmh. Parce que c'est aussi à ce moment-là que se construit la fracture de conception, de représentation, bien sûr, hein, entre les femmes et les hommes étant assignées à l'émotionnel et les hommes étant des animaux capables ou doués de raison, mm-hmm. et pouvant ainsi occuper ces sphères politiques et publiques, ouais. et les femmes devant être cantonnées à leurs fonctions, c'est une assignation au corps aussi très fort pour les femmes, hein, à leurs fonctions reproductrices, maternelles. Ouais. Bon, qui avait commencé déjà aussi un peu avant, mais bon. Ben là, un autre podcast. Ouais, mais là, elle est vraiment elle est vraiment marquée. Avant ouais, elle, tu vois, elle devient légère. Ouais. ouais, c'est ça, elle est légiférée. Voilà. Mais ça, effectivement, on va refaire une fois une discussion là-dessus, parce que c'est... Mais tu peux aussi dire quelque chose par rapport à... Non. Vas-y. Non, parce que ce que moi, je trouve aussi intéressant dans cette... sexualisation des différences, tu vois, et cette inscription des différences dans le discours scientifique, c'est que vraiment, en fait, à partir des Lumières, c'est vraiment, en fait, la médecine, elle va être influencée par une méthodologie employée par les botanistes et les zoologistes à ce moment-là, qui était de tout classer. La médecine va reprendre ça en voulant, en fait, classer les corps, classer les maladies, classer les diagnostics, blablabla. Les espèces. Bon, les espèces, c'était peut-être plus, du coup, les zoologistes ou les botanistes qui le faisaient déjà avant. Mais oui, mais de comment, en fait, du coup, ce truc de classement, ça vient aussi soutenir cette soif de catégorisation. Et aussi d'inscrire, en fait, la catégorisation dans un discours sur la nature, quoi. Enfin, de justifier la catégorisation par la nature. Et puis ce qui ne rentre pas dans une catégorie, ben, doit être relégué à la normale, au déviant, au pathologique. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Ou doit être inscrit dans la norme. Donc voilà. on va parler de ça. Donc là, voilà, on assiste. C'est aussi donc, cette naturalisation des rôles sociaux. Hein? Mm-hmm. C'est aussi donc, justement une volonté un peu d'organiser rationnellement la société dans ce 19e siècle. Et puis ensuite, il y avait encore quelque chose que tu voulais dire de cette période historique ? Bah, il y a plein de choses maintenant. Oui, je crois que je m'arrête là. Donc on va voler jusqu'à la moitié du XXe siècle, où toujours à penser cette articulation sexe et genre, parce qu'elle va ensemble. Qu'est-ce qui fait l'identité de quelqu'un, en fait ? C'est ça qu'il faudrait un peu poser. Est-ce que c'est son sexe ? Est-ce que c'est les rôles qu'il va occuper? C'est toutes des réflexions autour de comment se construit une identité. Et à ce moment-là, elle est pensée comme assez individuelle. C'est-à-dire que le sexe est vu comme un élément fixe. Et puis le genre serait l'apprentissage des rôles sociaux. Oui, le sexe n'est pas seulement vu comme un élément fixe, mais un élément fixe par nature. Voilà, fixe par nature, oui. Et le genre, ce serait, disons, un sexe social alors là, on parle plus ou moins variable. Voilà, à ce moment-là, on ne parle même pas de ça. Hein. C'est vraiment l'apprentissage des rôles sociaux et puis qui serait basé sur cette complémentarité dont on a parlé avant des lumières, hein, donc de complémentarité des rôles avec des pôles. Mm-hmm. D'activités ouais. Très différents, puis justement avec cette idée que le moins et le plus vont former. Mais là, on est dans les années 50. Voilà. Mais du coup, je peux amener... Mais c'est c'est pour introduire. Donc, Juste pour finir, cette représentation, donc, ça pose un modèle de normalité et que la déviance, elle est située comme des conflits qui apparaîtrait dans cet apprentissage de rôle. Et il n'y a pas du tout de notion de rapport de pouvoir dans cette organisation. C'est très centré sur l'individu. Ouais. L'apparition du terme linguistique de genre est souvent attribuée à Monet, John Monet, oui. C'est ça des années 50, enfin actif dans les années 50, et qui travaillait avec des personnes intersexes et qui faisait des opérations, est-ce qu'on peut dire des opérations d'assignation? Mais complètement. À un sexe sur des personnes intersexes. Et donc, lui, en fait, il a inventé ce terme, si c'est lui qui l'a inventé, en tout cas, il se l'est approprié, comme en fait un moyen de sortir d'une référence uniquement... médical aux organes sexuels pour parler en fait aussi de rôles sociaux. Et c'est là aussi que c'est pour ça qu'il a inventé le terme genre, pour dire c'est possible d'après lui de reconfigurer socialement une personne jeune parce qu'en fait c'est les rôles sociaux qu'on lui donne en accord avec ses organes génitaux, qu'elles soient construites ou non, qui vont produire la personne. Après, c'est vraiment... Je me retire complètement de ça, mais c'est... Mais c'est intéressant, cette co-existence des moyens techniques pour intervenir là-dessus, et cette pensée qu'on peut le faire, hein. C'est un peu concomitant. Parce que justement, ce qu'il y a qui est assez fondateur dans sa pensée, c'est qu'il rejette une identité sexuelle qui serait innée et invariable. C'est ça. Hein? Donc ça, c'est vraiment une sorte d'affranchissement du biologique. Avec cette particularité que pour lui, tout se construit dans les trois premières années de vie. Ok. Ce qui est aussi un peu... ce qui est aussi révélateur de la pensée de ce personnage, parce qu'avant 3 ans, il n'y a pas la parole. Mm-hmm. Donc là, les enfants ne sont pas du tout considérés comme des sujets, mais vraiment plutôt comme des objets pour lesquels on pourrait décider de leur avenir. C'est ça. À la fois décider de par une intervention dans leur chair même, et aussi une intervention sur leur vie sociale. Une éducation très rigide, ouais. Et après, je trouve aussi important de souligner que lui, c'était quand même... Enfin, il n'a pas développé ce terme dans l'idée d'interroger les normes, mais vraiment dans l'idée de faire entrer dans la norme. Tout à fait, ouais. Des gens qui étaient considérés comme déviants. Et en fait, ce personnage, il est souvent associé, dans nos études en tout cas, on l'a souvent associé au personnage de Stoller. Ouais. Lui aussi s'appelle John. Robert. Ah, Robert. Un psychanalyste qui, certes, a fonctionné à peu près à la même époque. D'ailleurs, à cette époque, il y avait une clinique de l'identité de genre, hein, dans laquelle Monet intervenait, mais qui n'était justement pas là pour la questionner, mais pour la normaliser. Et en fait, Stoller, il travaillait sur la question de à l'époque, on l'appelait le transsexualisme et de l'homosexualité. Et puis, il commence aussi à utiliser ce terme de genre parce que si le sexe biologique aurait une influence sur le genre social, alors comment on pourrait expliquer que des personnes d'un sexe donné adoptent un comportement social qui est attribué à l'autre ? Donc, en fait, la rencontre avec ces personnes qui ont des pratiques transgenres ou transsexuelles, comme elles sont nommées à l'époque, et homosexuelles, vont lui amener à chercher une sorte de modus échappatoire à la catégorisation. Pour lui, l'identité de genre, donc pour Stoller, elle est construite par le, il renie pas le biologique, hein, et les influences hormonales. Il évoque l'assignation de sexe à la naissance, qui produit un effet tout à fait certain sur la construction d'un individu, mais il parle aussi de, des influences psychologiques et environnementales qui accompagnent la croissance. Mais en fait, j'ai eu l'occasion d'assister à un séminaire d'histoire de la médecine à Genève sur Stoller, qui était animé par Jean-Christophe Coffin, tu connais ? Parce qu'il a travaillé, je crois, dans des perspectives genre aussi, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation, avec la spécialisation dans l'histoire de la psychiatrie de l'enfant et de l'éducation à Paris. Okay. Et puis, en fait, c'était intéressant d'avoir le point de vue d'un historien sur Stoller, voilà, qui a amené des éléments que je n'avais pas entendu évoquer dans ma formation. Alors déjà aussi, c'est rigolo parce que Coffin, donc, il va aux États-Unis. Je crois que c'est une bibliothèque qui a hérité de 180 cartons d'archives avec rien qui est rangé, parce qu'en fait, Stoller, il est mort dans les années 90, je crois, d'un accident de voiture brutal, donc rien organisé. Et puis, c'est une personne qui prenait énormément de notes sur ce qu'il lisait, ce qu'il pensait. Et en fait, ce chercheur historien Coffin, il est intéressé par ça, par comment Stoller a construit son savoir. Il n'est pas intéressé ni à le réhabiliter, ni à le descendre, mais c'est comment son savoir s'est construit par rapport à ce qui était présent à l'époque où ces théories ont été construites. Donc voilà, face à ces 180 cartons, il a commencé, il n'est pas du tout au bout, et il a trouvé beaucoup de notes de lecture que Stoller faisait, qu'il faisait même dicter par sa secrétaire tellement il en produisait, et puis qui informe sur le fait que Stoller avait une manière de construire sa réflexion de manière très transdisciplinaire. D'accord. Avec autant des recherches dans les domaines médicaux, biologiques purs, mais en s'appuyant aussi sur des recherches dans les sciences sociales ou humaines. Il semblerait qu'il ait lu d'ailleurs Le deuxième sexe de Beauvoir. Donc déjà aussi intéressant de voir quelqu'un qui a une pensée comme ça, un peu qui prend des sources multiples. Il ne travaille pas seul, il est dans un groupe de différents intervenantes et intervenants qui en fait... ont comme objectif de déconstruire ces catégories dites à l'époque de perversion sexuelle. Donc chacune et chacun de ces intervenants va réfléchir, rencontrer énormément de patientes et de patients pour essayer de comprendre comment fonctionner avec la différence sans pour autant la cataloguer de perversion. Alors aussi, on associe, donc nous on a toujours un peu entendu Stoller et Monet associés, et il semblerait que Monet écrivait beaucoup de papier à Stoller, comme un peu pour chercher sa bénédiction, mais son approbation. Okay. Et puis Stoller semble ne pas y avoir répondu. Mais voilà, ces éléments mettent en lumière le fait que c'est un terme qui commence à être institutionnalisé et mobilisé de différentes manières et dans différents lieux. Ouais. Puis encore une dernière chose, donc dans cette volonté que Stoller a de mettre à mal les catégories présentes de déviance ou normale, anormale. Mm-hmm. En fait, il ne sait pas vraiment par quoi la remplacer. Donc, il est emprunté, il ne propose pas vraiment autre chose, mais il la met un peu de côté, cette catégorie de déviance, pour ne pas en être pollué dans sa réflexion. Et puis surtout, enfin pas surtout, mais moi, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est qu'en fait, ce personnage met en avant la parole de ses patientes et de ses patients de manière assez inédite. C'est-à-dire que dans ses écrits, par exemple, il met pas seulement, tu sais, en annexe des citations pour un peu justifier son propos, mm-hmm. ou alors juste une petite phrase entourée, tu sais, un peu cette instrumentalisation du discours de personnes que tu rencontres qui vient un peu juste nourrir ton point de vue, tu vois. Ouais. Mais il met vraiment des grands tronçons de retranscription de paroles des patientes et patients qu'il rencontre, en leur donnant une posture d'expertise, d'expert. C'est les rencontres avec les gens qui vont lui permettre de réaliser que les 10 personnes rencontrées dans la journée ne peuvent pas être classées sous la même catégorie. Chacune et chacun aura des pratiques, un rapport à sa propre identité qui sera différent. Et comme c'est cette parole qui vient tellement le percuter, il la retransmet pour que son lectorat en fait, soit sensible et découvre ces questions-là. Mm-hmm. Donc dans l'histoire de la psychiatrie, c'est aussi quelque chose de neuf que cette personne a amené, qui est cette place de la parole des individus. Mm-hmm. Et puis moi, mon propos, il n'est pas de dire que c'était quelqu'un de génial, mais c'est de mettre en avant dans un sens aussi ce que penser la construction identitaire en termes de genre peut permettre, comme elle lui a permis à lui, d'essayer de contester les catégories. Mm-hmm. Tu vois, après, qu'est-ce qu'il a dit à différentes époques, ça je sais pas, je peux pas te le dire assez finement, et de nouveau, c'est pas noir ou blanc, c'est pas tellement... C'est sûr. Et puis ce qui est intéressant pour terminer sur ces personnages, c'est que souvent, petit retour sur Monet, il est associé, enfin les détracteurs et détracteuses d'une approche genre disent que c'est Monet qui aurait inventé les gender studies, ce qui les arrange bien parce qu'en plus Monet aurait tenu des propos très tolérants face à la pédophilie, donc comme ça la boucle est bouclée sur cet esprit du mal. Ouais. Et puis en fait, donc bien être consciente et conscient que c'est la réappropriation féministe de ce concept de genre qui est présent dans ces années-là qui va former Plus tard, la perspective, les gender studies et la perspective genre telle qu'on la mobilise. Oui, et cette réappropriation du terme genre s'est fait avec la deuxième vague féministe. Vas-y, Alessandra. Oui, ce terme de deuxième vague, en fait, je me rends compte de plus en plus à quel point il me dérange. Et ça fonctionne un peu comme un empêchement de penser les choses dans la finesse et la... Parce que quand on parle de vague, c'est un peu comme s'il n'y avait rien avant et puis après, plus rien non plus. Ça disparaît dans le sable. Voilà, et ça se retire même. Mm-hmm. Et c'est une manière d'invisibiliser aussi les mobilisations féminines, féministes, qu'il y a eu avant la première vague, entre la première et la deuxième, et ainsi de suite. Donc c'est toujours aussi cette volonté de pouvoir ranger les choses dans une petite boîte. Donc je serais pour un affranchissement de la pensée vaguesque. Ouais. Mais donc, réappropriation du terme genre dans les années 1970 par les mouvements féministes, dont l'un des objectifs était de contredire la biologie comme destin et de dénoncer l'idée que les inégalités sociales entre hommes et femmes seraient inscrites dans la nature. Donc, elles vont faire une distinction entre sexe, qui serait des attributs biologiques, et genre, qui serait des attributs, entre guillemets, de genre acquis par la socialisation. Et donc, cette distinction, elle a permis à ce moment-là, certes, de souligner le poids de la socialisation, aussi dans cette hiérarchie ou cette... C'est ça, en fait, c'est quelque chose... Parce que cette distinction, elle était déjà un peu présente dans les pensées de Stoller et de Monet. Mais là, elles vont y injecter les rapports de pouvoir. Politique, quoi. Ça. Voilà, elles vont politiser cette articulation sexe-genre. Ouais. Cette distinction sexe-genre, malheureusement, elle fait quand même perdurer l'idée d'une frontière qui serait... d'une frontière imperméable entre nature, d'un côté, et culture, de l'autre... entre sciences dures d'un côté et sciences humaines de l'autre. Donc là, par exemple, qui interroge pas la parole de la science comme étant la seule vraie, quelque part. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il a fallu, après cette politisation du genre et de son articulation avec le sexe, passer à une critique plus radicale qui a été amenée par la critique féministe des sciences, qui va remettre en cause cette notion d'objectivité des sciences. Hein. Mmh. Ça s'opère dans les années 80, et surtout par des chercheuses aux États-Unis et au Royaume-Uni. Oui, avec des théories qui commencent à se constituer d'une objectivité féministe, ou bien appelée aussi la théorie du standpoint, ou celle des savoirs situés, qui va désinguer complètement cette revendication illusoire de science objective, notamment à travers justement l'idée du sexe, en montrant, mais vraiment cette fois en allant étudier, non seulement historiciser les savoirs, mais voir exactement comment ils sont produits, et montrer que leur production n'est pas neutre, n'est pas objective, n'est pas asociale, mais qu'elle découle des valeurs sociales et morales des personnes qui les réalisent. C'est ça. Et vraiment, comme tu dis, de destituer le scientifique ou la figure du scientifique de son piédestal et dire que voilà, le scientifique, ce n'est pas... c'est une sorte d'intermédiaire transparent qui est là pour découvrir une sorte de réalité toute puissante, mais c'est quelqu'un qui est porteur de valeurs sociaux, enfin de disons d'idéaux, et qui est aussi quelqu'un qui produit du savoir activement avec son bagage à lui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que à la fois donc la critique féministe des sciences et les science studies à ce moment-là vont aussi montrer à quel point les endroits où on produit de la science, comme par exemple les laboratoires ou les hôpitaux machin, ça, c'est vraiment en fait aussi des lieux de production de pouvoir. Et puis cette manière de dénoncer le manque d'objectivité dans cette revendication de toute puissance objective renvoie une réflexion sur sa propre position dans la production de savoir. C'est ça. Et c'est pas sa propre position de corps de ces femmes, parce que justement il y a une volonté de s'affranchir de ces corps, mais c'est prendre conscience de son identité sociale et des rapports de pouvoir qui la façonnent. Et c'est une manière de mettre en lumière, plutôt que chercher à s'extraire du social, au contraire, illuminer depuis la base ta position, les enjeux, le fait que tu ne peux pas parler au nom de tout le monde, ça coupe court à toute velléité universaliste de pensée, et en disant bah, finalement un discours le plus véridique, le récit le plus véridique du monde, reconnaître que c'est un récit, ce serait de multiplier les standpoints. Voilà, ces points de vue très situés dans quelque chose de local et les mettre en réseau, alors là, on aura un tissu qui pourra effectivement être plus proche de la réalité du monde. C'est ça. Et c'est aussi de dire que voilà, société et science se construisent ensemble. Et oui, voilà, comme tu dis, vraiment d'assumer, de revendiquer et d'assumer un point de vue partiel et de tendre vers une production de savoir en mosaïque. Voilà. Et dans ce contexte, il y a la chercheuse Anne Fausto-Sterling qui, en 1993, va publier son livre « Sexing the Body », où elle avance cette idée qu'il n'y aurait pas deux genres, mais cinq. Et elle leur donne des termes comme les « herms », les « merms », les « firms », dans un esprit super gaguesque, en fait, pour ridiculiser la catégorisation. Donc, de nouveau, ce livre, il a pu être médiatisé comme être « Ah, mais alors, il n'y a pas deux genres, il y en a cinq ». C'était pas ça, son propos. Ouais. C'était parce qu'il pourrait y en avoir mille. Voilà, c'est le principe même de catégorisation qu'elle a remis en question. C'est ça. Puis elle aussi, elle a vraiment fait un travail où elle montre comment la biologie est créatrice de catégories, quelque part, c'est très arbitraire. Enfin, c'est suivant sur quoi on se base, Ouais. Puis ça encore, si je réfléchis un peu à ce qui se passe aujourd'hui, où des chercheurs et des chercheuses s'attachent toujours à vouloir trouver une sorte de base du sexe, quelque part, et que maintenant, un des grands... endroits dans le corps où on cherche le sexe, c'est le cerveau. Là, il y a des chercheuses féministes comme Catherine Vidal, par exemple, qui développe des concepts comme plasticité, pour montrer aussi que suivant la situation dans laquelle tu te trouves, suivant ce que tu es en train de faire dans la vie au moment où tu assistes à une expérience telle ou telle, ça change en fait. Donc tu es toujours en train de changer. Il y a une fluidité dans le corps et qui peut pas être forcément, dont on peut pas rendre compte avec, disons, les expériences, comme on les mène de façon un peu traditionnelle. En tout cas, on voit qu'à travers l'histoire, il y a vraiment eu toutes sortes de tribulations entre ces termes de sexe et genre. Et en fait, ce à quoi on assiste un peu aujourd'hui, c'est comme si genre voulait à nouveau dire sexe. Hein? Parce qu'on parle justement du genre féminin ou du genre masculin, alors que ça c'est au niveau grammatical, chaque objet ou a un genre masculin ou féminin, ça c'est sûr, mais au niveau conceptuel, on devrait plutôt utiliser ce terme au singulier, le genre, parce qu'en fait il sert à montrer maintenant une organisation sociale depuis toutes ces réappropriations, mobilisations. C'est dans ce sens-là qu'il est utilisé pour penser en fait la construction et la reproduction des rapports sociaux de sexe avec l'idée de la hiérarchie qu'ils contiennent. C'est ça. À la fois en termes d'homme-femme, mais aussi par rapport aux sexualités au pluriel, donc hétéro ou homo ou Dieu sait quoi, avec la même hiérarchisation. Est-ce là-dedans. Que Dieu sait quoi? Mais Dieu. Je lui demander. Mais ouais, mais je voulais du coup pour dire aussi que cette, enfin une bonne définition du genre, même si assez complexe. Se trouve dans un article de Joanne W. Scott qui s'appelle « Le genre, une catégorie utile d'analyse historique » et qui a été publié en 1986. D'accord. Où... Prends le temps, vas-y. Non, mais je cite, hein, mais ouais. Donc, elle définit le genre en disant « Le point central de la définition du genre repose sur une relation absolue entre deux propositions. Le genre est un élément constitutif des relations sociales fondées sur les différences perçues entre les sexes, et le genre est une façon première de signifier les rapports de pouvoir. Ou encore un peu plus loin, elle dit « Le genre est le champ premier à l'intérieur et au moyen duquel le pouvoir se déploie. » Alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette citation, c'est les différences perçues entre les sexes. C'est ça. Et là, on entend toute la dimension de construction et de relativisation de ces différences perçues. À quelle époque on perçoit quoi, comment, ça met le filtre d'interprétation. Hein. C'est comment je perçois, ça peut être très, très situé. Et puis aussi, bah, de se retrouver dans cette définition avec cette sensation qu'on a toujours eue d'une réflexion autour des questions de genre qui n'enferme pas, enfin qui limite pas à une petite sphère de la société ou des sociétés, mais qui au contraire permet de réfléchir à l'articulation des rapports de pouvoir d'une manière tellement fondamentale que ça te donne des grilles de lecture sur l'organisation beaucoup plus large d'une société. Ouais. Mais ça reste, moi je trouve aussi que ça reste un terme très compliqué à utiliser, même aussi après avoir fait des études genre. Et parfois, ouais, je trouve plus simple d'utiliser des termes comme système de genre, tout à fait. Identité de genre, expression de genre, parce que ça... Il y a quelque chose qui est plus imagé là-dedans que juste genre. Parce que c'est tellement théorique aussi comme concept. Oui, mais c'est plus précis. Justement, quand tu parles de système, c'est pas seulement plus imagé, mais c'est plus précis. Système de genre, ça fait justement référence à l'organisation sociale qu'il y a derrière. Donc, il n'y a pas de gloire au genre. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un terme qui pourrait remplacer... égalité ou qui pourrait remplacer émancipation. Non, justement, l'émancipation, elle sait s'émanciper d'un système de genre qui est extrêmement violent, qui reproduit des normes. Et puis parler d'identité de genre, c'est justement ne pas dire son genre féminin, comme si c'était un deuxième sexe qu'il fallait se trimballer et qu'on recevrait à la naissance tout brut, tout nu, tout inné. Tu m'avais écrit un mail il y a pas si longtemps en me disant « Oui, j'ai un super film dont je veux absolument te parler dans le prochain podcast. » Oui, c'est de ma faute. Et tu m'as dit le film, Sausage Party. Et petite question, Alessandra. Oui. Pourquoi es-tu allée voir ce film? Pourquoi? Ah, le pourquoi, comment c'est venu? En tout cas, on est allé voir en famille, en France. Donc, il n'était pas encore sorti en Suisse. C'est pour ça que je t'ai incité. Et ce qui est drôle, c'est que nous sommes allés avec notre fils, qui vraiment a une tête de plus que moi. Il pose pas petit gamin, on est d'accord. Mm-hmm. Il est dans l'adolescence. Et dans la queue, tout d'un coup, il y a un monsieur qui nous attrape comme ça, et qui nous dit « Mais vous savez que c'est pas pour les enfants, ces films !» Puis tu sais, tout d'un coup, d'ailleurs, après, je me faisais plein de sorties. J'aurais lui dire « Non, mais vous inquiétez pas, on vous prend pas avec nous. » Enfin, tu sais, toi, toujours les trucs que tu t'imagines dire très intelligemment. Mais c'était une sorte de rappel à l'ordre, tu sais, un moral comme ça, de dire « Mais qu'est-ce que vous emmenez votre gamin là-dedans » C'était très, très bizarre à vivre. Parce que ce film a eu beaucoup de réactions de la part des milieux conservateurs. Donc, il est sorti en août 2016 aux États-Unis, aux States. Et il a été classé R par la Motion Picture Association of America. R, ça veut dire moins de 17 ans, il faut être accompagné. D'accord. Et il est sorti après en France et il a été classé 12 ans. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui ont hurlé. C'est ça. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on dit le plot peut-être, tu veux le dire toi? Allez, vas-y. C'est ton sujet, construit comme bon, tu veux. Déjà, c'est vrai, je pense qu'une partie de moi est allée parce que justement, les gens de la Manif pour tous et autres se sont dressés contre ce film, donc ce qui donne toujours un peu envie d'y aller. L'histoire, à un supermarché, des produits alimentaires qui sont animés, qui en fait petit à petit nous dévoile que la croyance de leur vie, c'est et le désir de leur vie, c'est de se faire choisir par des humaines et des humains pour franchir la porte du supermarché. Et là, c'est garanti par la tradition, le nirvana, le paradis, le merveilleux, magnifique les attend. Donc en fait, on découvre comme ça une sorte de mise en scène d'un désir d'être choisi par les consommatrices et consommateurs pour passer cette fichue porte. Et alors en fait, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que les produits alimentaires, une fois, on va suivre une petite troupe comme ça qui passe effectivement la porte et qui se rend compte, oh malheur, oh horreur, qui se font charcuter, éplucher. C'est vrai que c'est drôle. Oui, non. que les humains bouffent, que les dieux, parce qu'en fait c'est ça, ils sont les humaines et humains, non on va dire les humains, c'est plus simple. Les humains sont associés à des dieux, que ces dieux bouffent même les enfants en dévorant des petites mini carottes. Et donc il va y avoir plusieurs réactions à ça, les produits alimentaires qui veulent rien savoir, d'autres qui vont chercher la vérité, voilà, la fin vous la connaissez puisque votre frigo est rempli de victuailles, vous savez déjà que les produits alimentaires n'ont pas gagné et continuent à se faire massacrer par nous. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir à quel point le sexe est instrumentalisé socialement. Parce que ces produits alimentaires sont pleins de désirs, pleins de libido, mais il y a plein d'interdits. Ils peuvent pas se toucher, ils peuvent rien faire. L'idée étant que tout ça se produira une fois la porte franchie, une fois ce paradis atteint. Donc il y a les croyances maintiennent un peu une pression comme ça sociale sur ces denrées alimentaires en lui disant bah, là maintenant tu peux pas, mais quand tu seras de l'autre côté, là ce sera l'orgie totale. Je trouve que c'est une bonne lecture de nos sociétés qui à la fois surexpose les questions sexuelles, il faut jouir tant de fois par semaine, dans tant de positions, dans tant d'expériences, donc un côté comme ça très valorisé, mais en même temps avec plein d'interdits, de prescriptions, tu vois, au quotidien. Et puis à la fin, quand ils se rendent compte, quand ils ont réussi à éliminer les... Là, c'est spoiler warning. Ouais. Quand ils ont réussi à se débarrasser des personnes qui achetaient à ce moment-là dans le magasin, il y a une grande fête comme ça, parce qu'il y a la libération qui est fêtée par une orgie sexuelle de ces denrées alimentaires. Et en fait, j'ai bien regardé cette scène plusieurs fois parce qu'elle va très vite, ça va dans tous les sens. Il y a plein de micro-scènes comme ça de copulation. Ouais. Et voilà, je voulais, avant d'en parler aujourd'hui, être vraiment à peu près sûre de ce qui nous était donné à voir. Et en fait, dès le début, je trouve que c'est une ode justement au consentement, au plaisir mutuel, dans tous les sens, dans toutes les pratiques. Je ne sais pas si tu te souviens, mais donc les personnages principaux, c'est une saucisse et un pain à hot dog. Ce qui est d'ailleurs de nouveau drôle, c'est qu'en anglais, on dirait... Enfin, il n'y aurait pas de genre grammaticaux. Ouais. Et là, la saucisse est figurée au masculin et le pain à hot dog... au féminin, donc c'est l'inverse, bref. Mais ces deux personnages-là qui sont les personnages principaux, donc ils ont gagné. Et puis le saucisse dit à lapin, qu'est-ce que tu veux ? Puis il a dit, je veux plus qu'un petit bout, qu'une extrémité de petits doigts qu'ils avaient touché avant le film. Et à partir de là, vram, c'est vraiment l'extase absolue. Je peux dire ce que j'ai vu. J'ai même, parce que je passais la séquence au ralenti, séquence par séquence, et tout d'un coup j'ai vu un anus arriver sur mon écran, et un anus qui se dilate en fait sous la pression de rien du tout, mais qui fonctionne un peu comme une sorte d'ode à l'envie, au plaisir. Il y a juste une scène qui est pas sous l'ordre du consentement. D'ailleurs, c'est une des scènes qui a été critiquée par l'association Promouvoir, j'y reviendrai, qui met en scène, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une sorte de paquet de préparation, je ne sais pas s'il y a biscuit qui est foncé. Ah oui, ouais. Et puis qui prend un paquet de crackers. Ouais. Et puis là, il y a un peu une figuration qui ressemble à du sexe non consenti. D'ailleurs, je crois que cracker, ça pourrait être un terme utilisé pour définir de manière péjorative les blancs. Ça te dit quelque chose ? C'est possible, mais je ne sais pas. Donc là, voilà, quelque chose d'un peu plus en tension. Mais bon, si les rapports de pouvoir, pour une fois, sont montrés différemment, ça peut aussi être une question. Et puis, il y a une autre scène qui a été beaucoup critiquée. Je ne sais pas si tu te souviens, quand il y a un personnage qui est une comment on appelle ça, une vaginale, une poire, une douche vaginale. Qui est en fait le personnage méchant du film. Qui à un moment donné tombe sur une brique de jus de fruits qui est en train de se vider de son sang, c'est-à-dire de son jus. Et puis la méchante douche vaginale va aspirer son jus, et puis donc c'est un viol. Et alors les détracteurs de ce film disaient ouais, c'est une ode au viol. Mais alors d'une part, le viol il est clairement mené par justement le bad boy du film, et en plus cette brique elle est pas figurée comme étant un personnage féminin, t'as pu confirmer ça, moi c'est figuré comme un personnage masculin, donc c'est une mise en scène de viol dans des pratiques homosexuelles, ce qui a aussi un avantage à être montré parce que c'est complètement invisibilisé dans les productions cinématographiques. Et puis en fait il y a cette association donc Promouvoir qui a été créée en 1996 par des milieux d'extrême droite avec à sa tête jusqu'en 2004 un juriste André Bonnet qui a quitté la présidence mais qui reste un des membres les plus actifs, qui en fait s'est attaqué à plusieurs productions cinématographiques comme Baise-moi de Virginie Despentes où il a obtenu au départ l'annulation du visa d'exploitation, et puis après la ministre de la Culture l'a pondéré par une interdiction aux moins de 18 ans. Il s'est attaqué au film Love aussi de Gaspard Noé, dont le producteur en fait dit de cet André Bonnet, on a l'impression qu'il a désormais plus d'influence que la ministre de la Culture ou le CNC. C'est l'homme qui décide de la classification des films en France. Ah mais c'est fou, hein, parce que justement très actif, très très mobilisé, et puis il obtient plein de choses. Il a aussi obtenu, je crois, les 18 ans pour la vie d'Adèle. Il s'est attaqué au 8 salopards de Tarantino, etc. Et puis, il y a cette association, donc Projet Milieu Catholique, qui revendique à peu près 400 adhérents, avec comme but de, je cite, « s'opposer à la prolifération de la violence et du sexe dans la culture ». Et quand je suis tombée sur un extrait du communiqué qu'il a produit pour faire en sorte que ce film soit limité aux plus de 18 ans, ce qui n'a pas été obtenu, il le décrit comme ça. « Sausage Party est d'abord un film libertaire et anti-religieux, avec un fort contenu philosophique et politique caché, en faveur de la jouissance libre et sans entrave. Les personnages, des saucisses, pains à hot dog, boîtes et bocaux divers se comportant comme des êtres humains, sont présentés comme de malheureux crédules, persuadés que les consommateurs qui viennent les chercher dans les rayons du supermarché sont des dieux qui les emmènent ensuite au paradis. Le héros, une saucisse de Francfort, tente de leur montrer la vérité. à savoir que ces dieux sont en réalité des monstres abominables qui se repaissent des malheureux aliments pour accroître leur propre énergie vitale. Finalement, après une révolte de ces aliments et l'assassinat des dieux, les clients du supermarché, la liberté enfin trouvée dans la vérité leur permet de s'adonner à la jouissance totale, d'où une longue partouze géante finale. Et j'adore parce que cette description du film, mais je pourrais faire la même, libertaire, anti-religieux, fort contenu philosophique et politique, en faveur de la jouissance libre et sans entrave. Et ce qui est génial, c'est que lui, il l'écrit pour exactement le contraire de ma position, pour l'interdire, alors que moi, justement, je trouve ça hyper finaux comme analyse de notre société. Et puis, j'aurais qu'un truc à dire, mais c'est foncez voir avec des gamins, certes, si jamais, mais ils iront tout seuls sans vous, rassurez-vous, s'ils ont l'âge. Mais d'aller se voir ça, moi, c'est vrai que je me suis bidonnée, toi pas, mais je trouve qu'il voilà, il y a quelque chose de l'ordre du jouissif, c'est le cas de le dire, dans ce film. Ouais, moi, je l'ai regardé, et du coup, vu qu'on allait en parler, et je me suis pas marrée une fois. J'ai vraiment trouvé, je me suis levée à la fin, et je faisais bon, je vais aller me coucher. Merci Alessandra, je m'en souviendrai. Non, mais en plus, j'étais dans des bonnes conditions parce que moi, je l'ai regardé hier et je venais de chez des amis où j'avais eu un petit apéro de Noël, donc j'avais quand même genre 2-3 verres dans le nez, genre j'étais quand même assez open. Et non, c'était pas assez. Bon, après, moi j'avais vu le trailer avant. Parce que je suis quelqu'un qui dévore maladivement les trailers sur YouTube. Donc je l'avais déjà vu avant. Et en fait, quand tu as vu le trailer, tous les moments de surprise, ou tout effet de surprise, en fait, est annulé parce qu'ils ont vraiment mis un peu tout ce qui est drôle. Ouais, mais ça, c'est faux. Parce que moi, tu peux me remontrer là une des scènes, je continue à rire aux larmes. Tu comprends? Et limite, plus je les vois, plus elles me font rire. Moi, ça, non, ça, autre chose, ouais. Refuser. Oui, après, voilà, ce film, en fait, donc, a été écrit par Kyle Hunter, Ariel Shafir, Seth Rogen et Evan Goldberg. Et après, dans le film, on retrouve des comiques et comédiens américains comme donc Seth Rogen, Kirsten Wiig, James Franco, Bill Hader. Non, mais c'est juste que ce que je veux dire, c'est des gens qui font un certain humour aussi très américain comme ça. Ouais, c'est marrant, mais c'est en même temps, c'est vite fait. Moi, vraiment, c'est que t'es vulgaire qui t'embête. Et ce que je trouve, mon impression, c'est qu'en voyant ce film, c'est qu'il y a une bande de potes, en fait, qui se sont retrouvés ensemble. Et qui ont eu l'idée pendant une soirée, tu vois, arrosée en fumée, et puis qui ont décidé de faire un film sur une saucisse de Vienne, et en plus qui s'appelle, du coup, c'est it's a Wiener en anglais, ce qui est donc aussi synonyme de pénis, ce qui marche. Du coup, on peut faire toutes les blagues qu'on veut là-dessus. Et qui, bon, voilà, ça, qui, tu vois, qui ont trouvé ça trop marrant, qui ont mené leur idée à bout, et puis en fait, le résultat n'est pas si drôle que ça. Donc, non. Mais après, chacun et chacune ses goûts. Hein. Et après, je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi de très phallocentré quand même dans ce truc. Ça t'a pas... Je veux dire, quelque part, c'est le mec, c'est donc une saucisse. Toutes les saucisses, c'est des mecs. Les filles, c'est donc... Il y a deux filles principales. Donc, c'est des contenants un peu souvent. C'est des contenants. C'est, tacos ou c'est, donc c'est cette buns. Fille principale, donc la buns. Ouais. Donc où on met une saucisse à l'intérieur. C'est très clair. Merci. Et l'autre, c'est un tacos. Ouais. Qui se remplit aussi. Ouais. Qui est lesbienne. Non, mais dis-moi si t'as une réaction là-dessus. Là, je suis d'accord avec aussi le fait que... Bon, j'avoue, moi, je me suis fait avoir par le rire, donc l'esprit critique, il est plus compliqué. Parce que là, je vois bien les personnages principaux qui mènent l'action, c'est plutôt les personnages masculins. Mais il me semblait, en tout cas, ça m'a pas réveillé trop mon esprit critique parce que il y a une représentation très très jouissante des personnages féminins. Ils ont des envies, des désirs. Tu vois, cette tacos lesbienne. Alors, on peut dire, elle fonctionne aussi pour objectiver la Buns parce qu'elle est désirable dans ses formes et tout. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, ce côté plaisir, envie, désir dans les personnages féminins m'a fait du bien. Ok. Non, après, je trouvais aussi problématique parce que il y avait pas mal de stéréotypes comme ça, est-ce qu'on peut dire ethnique ou culturel, ou par exemple, il y a une bouteille de tequila qui est forcément mexicain avec des attributs entre guillemets mexicains comme une moustache, un chapeau et un accent mexicain. Et donc, il n'est pas du tout joué par un acteur mexicain. Je crois que c'est Bill Ah, d'accord. Hader qui fait la voix. Il y a aussi cette bouteille de fire water qui est donc une sorte de Baudruy. stéréotype. C'est vraiment cette sorte de stéréotype occidental de ce que serait un Indien. Oui, puis il fume avec tout C'est le. ça, qui en fait, il a trois plumes. Dans son bouchon, et puis il a deux traits sur chaque joue, et c'est quelqu'un qui est sage, qui parle comme ça d'une manière. Non, puis qui va leur faire découvrir encore une autre vérité, mais qu'on va pas spoiler. Ouais. Mais ouais. J'entends ce que tu dis, mais je trouve que ça part de postures très stéréotypées, mais qui ont des pratiques qui ne le sont pas. Et si tu reprends les aliments qui figurent une identité arabe et une autre juive, ils finissent par avoir du monstre sexe les deux ensemble. Tu vois, les pratiques aussi, elles sont hétéro, homo, ça n'a plus d'importance, c'est vraiment, ça va dans tous les sens. Donc c'est comme si c'était aussi dans les pratiques une mise à mal de ces catégories. Enfin, oui, je vois bien, mais après, je trouve qu'il y a aussi ce truc où. Ouais, je sais pas, quelque part, j'étais un peu mal à l'aise avec des stéréotypes aussi forts pour créer la blague, mais bon, après, je. Bon, Lynn, alors, ben, je trouve chouette Ah non, mais que. on peut Ouais, dire. ah Mais voilà. oui. C'est bien, saute encore. Non mais quand même, je vais quand même dire un truc que j'ai bien aimé avec ce film, et c'est toi qui m'as dit de le chercher et je l'ai trouvé, c'est qu'à un moment on voit un tampon qui se remplit de sang, en fait parce qu'ils ont tué les humains, donc il y a une flaque de sang comme ça par terre, et tout d'un coup on voit un petit tampon qui arrive et qui fait un peu floup, qui se remplit de sang et qui devient un peu tout rouge comme ça. Ça c'est Il assez se gonfle, chouette, ouais. ouais, ça c'est drôle. Bon Donc alors, merci pour. please, allez voir ce film, faites-nous des retours. Ouais, Hein? ou allez pas, allez voir un autre film. Là, vous pouvez prendre parti, enfin. Vous annoncez aussi qu'on va faire une légère pause hivernale de podcast. On va reprendre, je pense, Ouais, 4 semaines, un truc comme ça. voilà, courant fin janvier. Ouais. Donc d'ici là, c'est pas une joyeuse quinzaine qu'on vous souhaite, mais une joyeuse pause. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Hier? Pourquoi tout faire en accent? Que tout d'un coup, nous allons dire tchuss. Tchuss, Tchuss! Allez, ciao, oui. Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com avec crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod avec des liens et des infos sur les thématiques abordées. Ciao!